Today is 24th April 2022. Thanksgiving holiday retreat successfully finished at Dhammaransi Meditation Center in Belgium. Yogis practice meditation diligently during the retreat, whether or not they could be mindful 100%, it doesn't matter. But during the retreat, they have the opportunity to take 9 precepts. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2022. La retraite des vacances de Pâques arrive à son terme et se termine avec succès au centre de méditation Dhammaransi en Belgique. Les yogis ont pratiqué la méditation avec diligence, qu'ils aient été attentifs 100% ou non, peu importe. Ils ont en tout cas eu l'opportunité de prendre les 9 préceptes. Ce n'est pas rien, ce n'est pas si simple de prendre, d'observer ces préceptes, ne fût-ce que pour un jour. Les yogis ont réussi donc à prendre les préceptes, chacun selon le temps qu'il a pratiqué au centre. Ensuite, ils ont eu aussi l'opportunité d'écouter la bonne façon de pratiquer la méditation, la façon correcte, la façon adéquate de pratiquer la méditation. Enfin, ils se sont essayés à la pratique. Ils ont tenté d'être attentifs à chaque instant. Et donc, tout cela leur permet de développer des paramis. Même s'ils n'ont pas encore compris pleinement le Dhamma, ils n'ont pas déjà complètement compris le Dhamma, ils ont en tout cas accumulé des paramis, des vertus. Ils ont pratiqué le Dhamma enseigné par le Bouddha. C'est une bonne opportunité. Ils ont peut-être aussi retiré de leur pratique une certaine paix mentale et une certaine compréhension de la façon dont fonctionnent le corps et l'esprit. Et ils en ont alors retiré de la confiance dans la pratique. C'est pourquoi les yogis ne devraient pas arrêter leur pratique. Ils devraient prendre le Dhamma qu'ils ont acquis avec eux. Et j'aimerais encourager les yogis à revenir au centre. C'est un lieu qui est propice pour la pratique. Pratiquer la méditation. Au plus vous pratiquez la méditation, au plus vous comprendrez clairement et en profondeur. Si vous pratiquez la méditation, vous saurez vous-même, par vous-même, comment la pratique vous aide et vous serez heureux dans votre vie avec le Dhamma. Vous aurez un bon ami, un ami spirituel, le Dhamma du Bouddha. J'aimerais conclure mon enseignement, mon Dhamma Talk, par une récitation de metta, de l'amour bienveillant. Puissent tous les yogis de Dhammaramsi être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent-ils tous être libres de la souffrance physique. Puissent-ils tous être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils prendre soin d'eux-mêmes joyeusement dans leur vie. Puissent-ils continuer à pratiquer le Dhamma pour toujours, chaque fois qu'ils en ont le temps. Donc je vais traduire en français. D'abord, j'ai oublié de traduire en français mon petit discours. Et puis, maman, tu peux peut-être dire un peu en français aussi tout ce que tu as montré. Oui. Donc, il y a eu 18 méditants. Il y en a 6 qui ont fait la totalité de la retraite. Il y a aussi eu 5 yogis qui ont pratiqué en ligne. Il y a eu beaucoup de malades. En fait, 7 personnes ont dû annuler des bénévoles et des yogis à cause de soit du Covid, soit de la grippe ou d'autres choses. Donc, c'était un peu chaotique. Et alors, sinon, je voudrais remercier les yogis qui sont venus malgré les conditions difficiles, le froid, l'épidémie. Et puis, il y avait beaucoup de débutants, donc c'était parfois un peu dur. Il y a eu 2 abandons. Mais ils ont persévéré et par ailleurs, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, le centre était très très calme. Alors je remercie évidemment les volontaires qui se sont succédés dans la cuisine et aussi je remercie Sayado qui a accepté très facilement de remplacer Utuzana directement, donc ça nous a fort facilité la tâche. Et puis aussi pour ces D'Amato qui sont très clairs, très inspirants et sa guidance est très pragmatique, donc je pense que c'est très très apprécié. Il a aussi donné des enseignements tous les jours sans interruption. Voilà, donc peut-être qu'il y aura d'autres occasions encore à l'avenir. Sayode n'était plus venu depuis 10 ans, mais peut-être qu'à l'avenir encore, il pourra diriger une retraite au centre. Voilà, je passe la parole à maman pour expliquer un peu les photos en français. Yes, so Sayado, I will just translate very shortly for those who do not understand English. Yes. Donc, cher Sayado, cher Yogi, cher volontaire, bénévole, c'est en 2002 que j'ai rencontré Sayado Panyasami Bivamsa pour la première fois. C'était à Sakyamuni, au centre en France. Sayado accompagnait son professeur, le très réputé Sayado Upandita, qui dirigeait là une retraite vipassana. C'était donc il y a 20 ans. Entre-temps, le docteur Rewa Tadama, le fondateur de notre Dhamma Group, mourut et Dhamma Group se retrouva orphelin d'un directeur spirituel. Cette méthode de Mazi Sayado m'attirait beaucoup et il y avait là, à Sakyamuni, un moine qui aurait peut-être bien pu accepter. Je lui demandai s'il était d'accord de devenir le directeur spirituel de notre groupe. Il accepta tout de suite et commença immédiatement à diriger des retraites à Damarancy. Tout au long de son séjour à Damarancy ou de ses allées et venues à Damarancy, Sayado a été l'occasion d'événements très heureux. Sans parler bien sûr des excellentes retraites de méditation vipassana qu'il organisait chaque fois qu'il venait. Tout d'abord, il y avait la belle statue du Bouddha que vous pouvez voir ici au centre d'Amarantsi dans la salle de méditation. Cette statue du Bouddha a été offerte par Sayado, qui l'a sanctifiée au début de la retraite. Cette sanctification de la statue s'est faite dans le pur style du bouddhisme birman. C'était très joli. Ensuite, en 2010, Sayado a offert une immense statue du Bouddha venue directement de Malaisie et qui a été installée dans le jardin à Damarantsi. Cette statue a été inaugurée également à 5 heures du matin, avant l'aube, comme la tradition l'exige. De nouveau, c'était une très belle cérémonie. Les méditants qui pratiquent ici à Damarantsi ont toujours beaucoup de joie à pratiquer la méditation en marche sur cette terrasse. Et enfin, il faut mentionner également les encouragements incessants et très appuyés de Sayado pour que Dhamma Group achète la maison qui se trouve à l'entrée de la propriété. Et en 2009, la Dhamma Group finit par acheter cette maison. Elle est actuellement complètement rénovée. Et nous sommes très heureux de l'avoir achetée. Hélas, pendant les années qui ont suivi et jusqu'à présent, Sayado n'a plus pu voyager sur de longues distances à cause d'un problème physique. Mais de toute évidence, il a tout à fait bien repris et se trouve actuellement en très bonne santé. Bienvenue de retour à Damaransi Sayado, même si c'est via Internet. Nous sommes en effet maintenant dans une période électronique et la retraite, je pense, s'est très bien passée. Votre présence ici, même à des milliers de kilomètres, votre guidance très attentive et vos explications détaillées à propos de la façon dont Vipassana doit se pratiquer nous a permis d'apprendre beaucoup à propos du Dhamma et de progresser dans la méditation. Sadhu, sadhu, sadhu. Pour ce beau Dhammadana, don du Dhamma. Peut-être que les gens en ligne voudraient dire un petit mot de remerciement, ou si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment. Ou bien peut-être ici dans la salle, si quelqu'un veut dire quelque chose. Tu peux dire qu'ils peuvent mettre leur image. Si vous voulez parler, vous pouvez mettre votre image et votre micro. Ils peuvent tous mettre pour les gens en ligne. Ou bien tout le monde peut mettre. On va faire la photo après, mais tout le monde peut déjà mettre sa photo, en fait. Remettre son image, comme ça, Sayado voit tout le monde, tous les gens en ligne. Dhammapiti. Dhammapiti. Sukhamseti. Sukhamseti. Vipassanena cittassa. Vipassanena cittassa. Ariya pavidite dhamme. Ariya pavidite dhamme. Sadharamati pandito. Sadharamati pandito. Sadharamati Pandito, Sadharamati Pandito. Sadharamati Pandito. Dhammapiti. Dhammapiti. Sukhamseti. Sukhamseti. Vipassanena cittassa. Vipassanena cittassa. Cittassa. Cittassa. Ok, cittassa. Cittassa. Cittassa. Cittassa. Cittassa. Very good. Vipassanena cittassa. Vipassanena cittassa. Kriya pavidite dhamme. Ariya pavidite dhamme. Ariya pavidite dhamme. Sadharamati pandito. Sadharamati pandito. Donc c'est très apaisant, très très très bien, très approprié pour nos pratiquants en vipassana, cette stance. Si vous continuiez votre retraite encore un mois, je pourrais poursuivre rien que sur cette stance pendant un mois et vous seriez très heureux dans votre pratique. Je fais comme si, mais en fait, la retraite ne peut pas continuer. Bérangère, tu peux mettre ta caméra, si tu veux, pour dire bonjour à Sayado. Et ton micro, si tu nous entends.